الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Qu'est-ce qui nous résume le cours d'hier? Qu'est-ce qui nous résume le cours d'hier? ماذا رأينا؟ Personne. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait al-muraja'atu ahammu min al-hifz. L'imam Ahmed disait la révision est plus importante que la mémorisation. De réviser ses cours, la science a la plus grande importance. Et ça montre ta sincérité, que tu n'assistes pas pour assister et pour montrer que tu assistes là, mais tu assistes pour connaître Allah Azza wa Jal et savoir comment l'adorer. Tu assistes pour connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et t'y cramponner. Tu assistes pour connaître l'islam et pouvoir le pratiquer. Ha kadha barakallahu fik. Donc tu dois avoir de quoi saisir cette science. Noter des feuilles, un stylo, ton livre. Wa ha kadha. Et un plus important que tout cela, al-ikhlas, la sincérité. Tu viens et tu sais que tu adores Allah Azza wa Jal avec yani l'étude de la science. Barakallahu fik. Tafaddal. Al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Nous avons vu que l'exagération au sujet des tombes des personnes pieuses les transformait en idoles adorées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ô Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La colère d'Allah est grande contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. On a vu également que al-lata bi tajdid al-ta était. C'était qui al-lat? Hein? Un homme vieux. Et lorsqu'il est mort, que s'est-il passé? Les gens ont commencé à se rendre auprès de sa tombe, l'immensifier. Puis au final, ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Et on a lu également le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. La'anallahu, ou qala sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu za'iratil qubur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes ainsi que ceux qui prennent ces tombes comme lieu de prière et les ornent de lampes. Tout ça pour dire qu'on a l'ordre de s'éloigner de toute cause entraînant la personne dans le shirk. Donc trois chapitres qui se sont suivis sur à peu près ce sujet, chacun avec une particularité. L'auteur a fini ce sujet, al-tahdhir min wasa'il al-shirk, par le chapitre numéro 21. Babu ma ja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab al-tawhid. Le chapitre de la protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'effort qu'il a fourni pour fermer toutes les voies menant au polythéisme. C'est intitulé, il faut le mémoriser. C'est une qa'ida fi sharia, c'est une règle. Le fait de fermer toutes les portes pouvant découler, pouvant entraîner la personne dans quoi? Dans le polythéisme. Babu ma ja'a fi himayati al-himaya hama shay idha ja'ala lahu mani'an yamna'u min madha al-qurb min. Donc al-himaya, le prophète sallam a tout fait pour protéger. C'est-à-dire pour délimiter, d'accord, pour marquer les limites du tawhid et faire en sorte que personne ne s'approche de ses limites, afin de ne pas être proche du shirk. Est-ce que c'est wadih ? At-tawhid a été préservé dans l'islam. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous montrer tout ce qu'a entrepris comme effort le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver le tawhid. Il a mis des barrières et les a éloignées. Comme, ainsi, si la personne tombe, elle ne tombera pas immédiatement dans le shirk. Wadih ? À l'image de la personne qui a des bêtes et les emmène paître, elle a un royaume, elle a un terrain où elle emmène ses bêtes. Alors, elle met un rempart, des barrières ou autres, afin que ne puisse Mada se saisir de ses bêtes, par exemple les loups. Ici, c'est plus qu'une question de vie ou de mort. C'est une question de paradis ou d'enfer éternel. C'est une question de paradis ou d'enfer éternel. Ce sujet que nous allons traiter a cette importance-là. L'enfer éternel, a'adhanallahu wa iyyakum min hadha, ou bien le paradis. As'alallah subhanahu wa ta'ala li wa lakum al-jannah wa li walidina. Al-Mustafa وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المختار معنى المصطفى المختار المصطفى c'est un des surnoms du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire celui qui a été choisi ou bien élu. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit lui-même إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فهو إذن مصطفى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Wathilah عند مسلم, certes Allah a élu Kinana parmi les enfants d'Ismaïl, c'est-à-dire les Arabes, et a élu Quraysh parmi la tribu de Kinana, et a élu de Quraysh Banu Hashim. Il a élu Banu Hashim d'entre Quraysh, et il m'a élu moi d'entre Banu Hashim. Donc il est élu et choisi. Fahuwa Mustafa bima'na al-mukhtar. Pourquoi est-ce qu'on dit Mustafa? Ya'ni musaffa min ghayri, parce qu'il a été élu parmi tant d'autres. فهو خلاصة الشيء وخالصه, c'est l'élite de la chose et le meilleur des gens, l'être élu et choisi صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد, جناب بمعنى جانب, وسد كل طريق يوصل إلى الشرك, أي حما التوحيد ولم يدع بابا مفتوحا ولم يدع بابا من الأبواب مفتوحة أو مفتوحا كي لا يقع الناس في الشرك بالله العظيم. Prophet sallam n'a pas laissé une porte pouvant mener au shirk sans la fermer et sans mettre en garde sa communauté contre celle-ci. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? بيّن في الأبواب السابقة شيئا من حماية التوحيد. وهنا هذا الباب كخاتمة وتكميلة لهذه الأبواب خاصة ببيان خاص. L'auteur رحمه الله تعالى a parlé dans ses chapitres précédents de la mise en garde faite contre toute chose et tout moyen pouvant faire tomber les gens dans le polythéisme. Et ici, dans ce chapitre, il continue et conclut cette progression. Donc ce chapitre vient comme compléter et parfaire les chapitres précédents avec cette appellation particulière. ومن أعظم الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك بالله ما يتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم وقبره إذا لم نتعامل معه بمعاملة شرعية. Et parmi les plus grandes causes pouvant égarer la personne et la faire tomber dans le polythéisme, c'est ce qui concerne la considération du prophète صلى الله عليه وسلم et de sa tombe. Pour ceux qui ne se comporteront pas d'un comportement religieux, ceux qui dépassent les limites vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très proches du polythéisme, car la fitna est azima, car c'est la créature la plus parfaite, celui qui atteint la perfection humaine sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur a mis un chapitre particulier sur cela. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من جميع جوانبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a préservé les limites du tawhid de toutes parts. Il n'a rien laissé صلى الله عليه وسلم. والشريعة الإسلامية اعتنت عناية عظيمة بهذا الأمر. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a parfaitement pris en compte ce sujet. Wa ashaddu ma ja'a min at-tajdid ma ta'allaq bi qadiyat ash-shirk wal asbab al-musilati ila ash-shirk. Et les textes les plus sévères traitent du shirk. Il n'y a pas de texte plus sévère que les textes mettant en garde contre le shirk et les moyens pouvant entraîner les gens dans le polythéisme. Tout cela en tant que miséricorde pour les mondes et tout particulièrement pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam بذل جهده وكل ما يستطيع لإبعادنا عن الشرك كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fourni tous les efforts possibles pour nous éloigner du polythéisme. أبدا وأعاد كرر نوع عمم خصص استعمل جميع الأساليب صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وشفقته بأمته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche par la mise en garde contre le polythéisme. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Première chose contre laquelle il a mis en garde, ash-shirk. Première chose à laquelle il a appelé, at-tawhid. Et avant de mourir, il a dit la'natullahi 'ala al-yahud wa an-nasara. Ittakhadhu quburan biha min masajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'adorer Allah azza wa jalla auprès des tombes juste avant de mourir. Donc du début de son message à la fin de son message, il a mis en garde contre le polythéisme et a appelé les gens au tawhid. Naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-ghulu mutlaqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'exagération de manière absolue. Wa naha an al-ghulu fi qubur as-salihin. Il a également interdit l'exagération faite auprès des tombes de des personnes pieuses. Kullu hadha saddan li dhari'ati ash-shirk. Tout cela pour préserver le tawhid et mettre pour fermer les voies pouvant mener au shirk. Nahan takuna murtafi'a. Le prophète sallam a interdit d'élever les tombes, d'inscrire des choses dessus, de construire dessus. Nahan nusalli 'inda al-qubur wa ilayha. Il nous a interdit de prier auprès des tombes. Il nous a interdit de prier en direction des tombes. Kullu hadha saddan li dhari'ati ash-shirk. Tout cela pour fermer les voies menant au polythéisme. Nahana sallallahu alayhi wa sallam an at-tashabbuh bil kafirin. Il nous a interdit de chercher à ressembler aux associateurs. Kullu hadha saddan li dhari'ati ash-shirk. Ceci pour nous mettre en garde et nous préserver de tomber dans le polythéisme. وَنَهَانَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى لَا نَكُونَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِمَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même interdit certaines adorations qu'Allah aime, subhanallah. Pourquoi? Car de les faire dans des situations particulières, hein, peuvent entraîner les gens à court ou à long terme dans le polythéisme, subhanallah. Quelle est l'action la plus aimée chez Allah? La salat, la prière. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier lors du lever du soleil, au moment du lever du soleil et de son coucher. Pourquoi? Il nous a expliqué cela car à ce moment là les associateurs se prosternent, hein, et également le soleil se lève entre les cornes du shaitan. Donc même si toi cette idée ne t'a même pas traversé l'esprit, ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit des choses pouvant entraîner à des choses, pouvant entraîner elles-mêmes à des choses et au final tomber dans le shirk. هذا لكمال نصحه صلى الله عليه وسلم. Également راعى الألفاظ ونهانا عن الإطراء وعن الغلو في مدح صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. Il nous a interdit d'exagérer à son sujet dans ses éloges. Il nous a interdit d'exagérer lorsque l'on fait ses éloges, sallallahu alayhi wa sallam. Et a dit, n'exagérez pas mon sujet. Elle est dans mes éloges, en faisant mes éloges, comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur et messager d'Allah. Dites donc serviteur et messager d'Allah. Donc les croyances, les actions et même les paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes. N'a laissé aucune porte pouvant entraîner au shirk sans la fermer et nous en informer. جاء رجل إليه فقال له ما شاء الله وشئت فقال له وغضب عليه أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu trouver le prophète صلى الله عليه وسلم et parmi ses dires, c'est ce que Allah a voulu et toi. C'est ce que toi et Allah avez voulu. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors mis en colère. Et il lui a dit, est-ce que tu as fait de moi l'égal d'Allah? C'est-à-dire dans la volonté. Est-ce que tu as fait de moi l'égal d'Allah? Dis plutôt, c'est Allah qui a voulu seul. C'est-à-dire que notre volonté à nous suit la volonté d'Allah. Et c'est la volonté d'Allah azza wa jal qui prévaut sur la volonté des créatures. Et les hadiths dans ce sujet sont très nombreux. قال بعض الصحابة حي بنا نستغيث برسول الله فقال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله مع أنه أمر يقدر عليه وهو حي حاضر لكن سد ذرائع الشرك وقال هذا تأدبا مع الله رب العالمين. Des compagnons dit après avoir subi certaines nuisances, allons chercher le secours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, on ne recherche pas le secours auprès du messager d'Allah, mais on recherche le secours auprès d'Allah. Alors qu'il était vivant, présent et capable, mais il a voulu fermer toutes les portes pouvant entraîner les gens dans le shirk. Et il s'est exprimé ainsi par noble caractère envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et pour enseigner à ses compagnons la perfection du tawhid, ne rien demander à qui que ce soit et abandonner toutes nos affaires à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui sera suffisant. Nahana 'an at-taswir. Il nous a interdit les photos, les représentations. Taswir zawat al-arwah, de représenter toutes choses ayant une âme, les animaux, les personnes. Pourquoi cela? Certaines personnes disent, avec vous, ma'akum kul shay haram. Avec vous, tout est haram. Hein? C'est pas avec nous. Hada hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. D'accord? Donc, Le prophète sallam a dit ceux qui auront à subir le plus lourd châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui font les représentations. Des gens pourraient ne pas comprendre pourquoi cette sévérité. Car c'est la cause de la naissance du shirk. Cette chose que certaines personnes minimisent, cette chose qui est entrée dans la plupart des foyers, même des foyers musulmans. Les photos. Et tu trouves en rentrant chez les gens des photos accrochées. L'un d'entre eux n'a pas honte de mettre des photos ou de laisser son épouse mettre des photos de sa propre d'avoir des photos chez lui accrochées de sa propre épouse. Subhanallah, ça veut dire que des hommes vont venir et vont voir cela. Mais plus que cela, plus grave que cela, c'est une cause du shirk. C'est ça la cause du shirk de Qawm, du Qawm auquel a été envoyé Nuh alayhi salam, comme vous le savez tous et comme nous l'avons étudié. Donc le prophète nous a interdit les représentations de ceux qui a une âme pour nous préserver de tomber dans le polythéisme. يا أخ الإسلام إذا سمعت أهل العلم وطلبة العلم والدعاة المصلحين يحذرون من البدع يحذرون من وسائل الشرك والله ثم والله ما هذا إلا رحمة بك ما هذا إلا رحمة بك وشفقة عليك أو بك لتفوز بجنة رب العالمين وتسل ماذا ولا تقع فيما ماذا ترتب عليك الضرر العظيم إن الشرك لظلم عظيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف سبحان الله كل هذه النصوص تحذيرا من الشرك بالله العظيم tous ces textes et beaucoup d'autres si tu nous donnes des associés nous annulerons toutes tes actions certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés en dessous de cela il pardonne à qui il veut ô mon fils ne donne pas d'associé à Allah. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Celui qui commet du polythéisme, Allah lui interdit d'entrer au paradis. Tous ces textes qui nous mettent en garde contre le polythéisme, c'est une des plus grandes rahmas pour nous. C'est une des plus grandes miséricordes pour nous. Donc si tu entends les prêcheurs, les savants, les bons conseillers que mettent en garde contre les innovations, contre le polythéisme, sache que ce sont des gens qui, eux, véritablement aimaient pour toi le bien. Ce sont des gens, eux, qui véritablement ont eu de la miséricorde envers toi, envers ta personne. Car si tu tombes dans le polythéisme, il y a des conséquences dévastatrices. Tes actions seront annulées. Tu sors de l'islam. Si tu meurs sur cela, tu vas en enfer éternellement. Wa bi'sal masir. Subhanallah. Donc, انطلاقا من هذا الأصل العظيم الذي تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ويعني والوحي وتربى عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وعلماؤنا إلى يومنا هذا درج عليهم أن المؤلف رحمه الله تعالى وبوب هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك en suivant ce chemin le chemin sur lequel le prophète sallam a été éduqué par Allah en suivant le chemin sur lequel les compagnons ont été éduqués par le prophète صلى الله عليه وسلم en suivant le chemin sur lequel les pieux prédécesseurs ont été éduqués puis nos savants jusqu'à cette heure-ci et sur lequel nous avons nous-mêmes été éduqués L'auteur a intitulé ce chapitre « La protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam » et tous les efforts qu'il a fournis pour fermer toutes les voies menant au polythéisme. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu que les gens exagéraient envers l'arbre sous lequel ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a ordonné à ce qu'on coupe cet arbre. Il a ordonné à ce qu'on coupe cet arbre. Subhanallah. Subhanallah. Immédiatement. Pourquoi? Car à long terme, peut-être que les gens vont exagérer sur cet arbre, puis la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Alors que c'est une chose, on aurait pu dire, c'est un monument historique. C'est l'endroit où ils ont prêté allégeance au prophète sallam. أعظم من هذا وأهم من هذا حماية جناب التوحيد. Plus important que cela, plus immense que cela, préserver les limites du tawhid et éloigner les gens de toute cause pouvant les entraîner dans التوحيد. بارك الله فيكم. هذا هو منهج السلف في هذه المسألة. Voici le chemin des pieux prédécesseurs dans cette question. فعناية التوحيد من النبي صلى الله فعناية التوحيد في حماية التوحيد كانت عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب أنذر وبشر كل هذا حماية لجناب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أو وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية تتمة الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم. Le premier verset cité par l'auteur est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah le Très-Haut. Certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous. إذن هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم أي يا معشر العرب, وقال بعض أهل العلم يعني يا أهل هذه الأمة, لقد جاءكم رسول أي رسول من الله, رسول الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم, من أنفسكم أي من جنسكم, ويتكلم بلغتكم وتعرفون نسبهم وشرفهم وصدقه ونسبه, فهو من أنفسكم من ذوي الشرف والأنساب, وهو يتكلم بلغتكم وتعرفون صدقكم وأمانتكم. رسول من أنفسكم عزيز عليه, عزيز أي صعب, يصعب عليه أي شديد عليه جدا, شديد عليه جدا, ما عنتم أي مشقتكم, ما عنتم العنت والمشقة, ما عنتم أي مشقة عليكم ويلحق الأذى وما يلحقكم من الأذى بكم من الكفر والشرك والبدع والضلال وكل ما يؤذيكم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية, حريص عليكم, حريص عليكم أي شديد الحرص والرعاية في هدايتكم, أو شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وفي حصول النفع لكم, أي باذل غاية جهده في مصلحتكم صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حريص على, طيب, عزيز علي ما عنتم, حريص عليكم جمع بين أمرين, حريص عليكم أو عزيز عليه ما عنتم, يريد دفع الآذى أو الأذية, حريص عليكم يريد ماذا, الإيصال ماذا, إيصال الخيرات فيكم يريد مصلحتكم. إذن جمع بين دفع الشر والحرص على مصلحتكم. يعني دفع المكروه وحصول المرغوب المحبوب بالمؤمنين، أي لا بغيرهم، بالمؤمنين. رؤوف أي بليغ الشفقة، الرأفة هي شدة الرحمة وأرقها، هذا باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي بليغ الرحمة بالمؤمنين خاصة. المعنى الإجمالي يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم، ويتكلم بلغتهم، ويشق عليه جدا ما يشق عليهم، شديد الحرص على هدايتكم وحصول النفع لهم، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة. Expliquons ce verset qu'on entend souvent mais qu'on comprend que peu. Et en comprenant ce verset, on va comprendre inshallah qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quel effort il a fourni pour nous sallallahu alayhi wa sallam. Certes, vous êtes venu, c'est-à-dire vous les Arabes, le peuple auquel a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'autres savants disent vous, cette communauté, Rasul, un messager, c'est-à-dire un messager envoyé par Allah, min anfusikum, issu d'entre vous-même, c'est-à-dire un arabe comme vous, il a la même mada, la même origine que vous, et vous connaissez son origine, vous connaissez sa tribu, il fait partie des nobles de Quraysh, les meilleurs des Arabes, les plus nobles, ceux qui ont la meilleure lignée. Celle qui remonte à Ibrahim alayhi salam, celle qui remonte à Ismaïl alayhi salam, fils d'Ibrahim, l'élite des élites, sallallahu alayhi wa sallam. Il parle dans votre langue, vous comprenez ce qu'il vous dit. Min anfusikum azizun alayhi, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Azizun alayhi, ma anittum, c'est-à-dire que les difficultés que vous subissez sont très difficiles pour lui à supporter. Il est énormément touché lorsque l'un d'entre vous, un membre de sa communauté, est touché par un mal. Lorsque vous êtes touché par un mal, ben le prophète sallam est touché avec vous. Allah Azza wa Jal s'adresse à son peuple par ces mots, subhanallah, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez. Et tout ce qui pourrait vous toucher comme mal, et le plus grand mal qui pourrait vous toucher, c'est le shirk, le kufr, les innovations, l'égarement, la perversion, et la perversité ou la perversion et d'autres choses qui déplaisent Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallam ne veut pas cela pour nous, car les difficultés qu'on subit, il les subit lui aussi, c'est-à-dire que c'est lourd pour lui. Puis il est plein de sollicitude pour vous. Il est envers vous, où il a beaucoup de pitié envers vous et de miséricorde. Il a beaucoup de pitié envers vous et de miséricorde. Avant ça, harisun alaykum. Il est motivé quant à votre guidée. Il déploie, car on parle aux Arabes vivants de cette époque et aux gens vivant à cette époque, il déploie tous ses efforts pour vous guider, que vous soyez dans le bien et pour vous toucher du bien, pour que vous puissiez goûter au bonheur. Il a déployé tous ses efforts pour votre bien. Donc il a uni entre deux choses, azizun alayma anittum harisun alaykum. Donc il a uni entre le fait de vouloir nous éloigner du mal et de toutes les difficultés et le fait de vouloir pour nous tout le bien. Donc nous éloigner du mal et nous toucher, madha, nous guider vers les causes du bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah nous dit, et il est envers les croyants, il a énormément de pitié envers les croyants et de miséricorde. Ar-ra'fa, c'est la forte pitié, la forte miséricorde. Et la partie la plus subtile de celle-ci. Et la plus douce de celle-ci. On la décrit ainsi lorsqu'on parle des créatures. Mais lorsqu'il s'agit de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, alors on dira ce qui sied à sa perfection, subhanahu wa ta'ala. In sahha at-ta'bir. Et ceci envers les croyants tout particulièrement. Cette sollicitude, cette madha, miséricorde et cette grande pitié qu'habitait le cœur du prophète sallam et tous ses efforts, c'était pour qui? C'était pour les croyants. Dans ce hadith, dans ce verset, pardon, Allah Azza wa Jal informe ses serviteurs afin de leur citer ses faveurs qu'il a envoyé un messager, le plus grand des messagers, le meilleur des messagers. Il a la même origine qu'eux. Vous le connaissez, vous connaissez sa famille, vous connaissez sa lignée, c'est la meilleure, la plus noble. Il parle dans votre langue, vous le comprenez. Ce messager, les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est très motivé quant à votre guider et quant à vous pousser vers le bien. Il a énormément de miséricorde et de pitié envers vous, les croyants. Voici le sens du verset. Munasabatul aya lilbab. En quoi ce verset est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tous les efforts pour fermer toutes les voies menant au polythéisme? La réponse à cette question se nomme Wajhul Istidlal. Wajhul Istidlal, Wajhul Dilal. D'accord? Hadi al-awsaf al-madhkura fi hadi al-aya. Les caractéristiques par lesquelles ont été décrits le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset impliquent qu'il a tout fait pour que le mal ne touche pas sa communauté. Sahih? Il a tout fait pour que le bien touche sa communauté également. Quel est le pire mal qui pourrait toucher un membre de sa communauté? Ash-shirk billah. Quelles sont les choses pouvant mener au shirk billah? Al-bida' wal-muhdathat wa-dhara'i' ash-shirk. Donc, on tire de ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout mis, a fourni tous les moyens pour fermer toutes les portes pouvant mener au shirk billah. Est-ce que c'est wadah? C'est clair pour tout le monde, les frères? Ou est-ce que je répète? Je répète? D'accord. Parce que je m'exprime mal? Non? D'accord. Parce que vous comprenez mal? Non plus. Fayyid. Pour que cette science s'ancre dans nos cœurs. C'est une bonne réponse. Taslam wa naslam. Sahih? Barakallah fik. Tayyib. La mani'a an nukarrir al-khayr. Il n'y a aucun mal à répéter le bien. Dans ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les meilleurs attributs. Lesquels? Il a la meilleure lignée. La famille la plus noble. Lorsqu'un mal touche un membre de sa communauté, ça touche énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lourd sur lui. Il est plein de sollicitude pour vous. Il fait tout pour que vous soyez dans le bien et que le bien vous touche. Tout ce qui vous ramène un bien, il vous y appelle. Et tout ce qui peut vous ramener du mal, il vous met en garde contre cela. C'est clair? Ces caractéristiques par lesquelles également il est très miséricorde, il a beaucoup de pitié envers les croyants et de miséricorde. Toutes ces caractéristiques, hein, toutes ces caractéristiques font que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc forcément fait tout pour nous éloigner du mal. Et la tête, le début et la fin du mal, c'est le polythéisme. Donc, avec ce verset, on dit que le prophète sallam a tout fait pour éloigner sa communauté du polythéisme et a donc fermé toutes les voies pouvant mener au polythéisme. Barakallahu fikum. Ma yustafadu min al-ayah. Parmi ce que nous pouvons tirer de ce verset, تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك. La mise en garde du prophète صلى الله عليه وسلم contre le shirk afin de mettre d'avertir sa communauté contre ce grave péché. Et le fait qu'il a يعني وسد كل طريق يفضي بها إليه. Et le fait aussi qu'il a fermé tout chemin pouvant mener la personne à tomber dans le polythéisme. Il faut bien comprendre ça, les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de mettre en garde contre le shirk. Là, on est à un autre niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, a mis en garde contre le shirk, mais ici, on parle d'une autre chose. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'avoir fermé toutes les portes du shirk, il a aussi fermé les portes menant aux portes du shirk. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il a bouché tous les chemins pouvant faire tomber la personne dans un mal. Ce dernier pouvant le faire tomber dans un autre mal. Ce dernier pouvant le faire tomber à long terme dans le shirk. Vous voyez même ces choses-là? Le prophète sallam les a fermées. Est-ce que c'est compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'islam, on met en garde contre le shirk. Et on met en garde contre tout ce qui peut faire tomber les gens, même à long terme, dans le polythéisme. Barakallahu fikum. Min awwal bi'athatihi ila nihayati ila akhiri anfasi. Du début de sa prophétie jusqu'à son dernier souffle. Il a appelé les gens tawhid, il a mis en garde contre le shirk. Alors qu'il était en train de souffrir dans sa maladie de mort. Et qu'il ne lui restait que quelques heures avant de mourir. Et dans l'autre hadith, quelques jours, il met en garde contre les causes menant au shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. Da'watul mubaraka. Atharuha baliga, azima, mustamirra, ila qurbi qiyam as-sa'a. Ça, c'est une da'wa bénie. Une da'wa immense. Une da'wa parfaite. Dont les fruits ne cesse d'être consommé jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à proche de la fin du monde. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour véridique, donc qui aime Allah azza wa jal d'un amour adoration, qu'il emprunte ce chemin. Wala yubali. Sans se soucier de ce que dira un tel, ce que dira un tel et ainsi de suite. D'accord? Le tablir qui s'est énervé, qui s'est levé est sorti parce qu'on a mis en garde contre un innovateur et contre celui qui appelle au shirk. Est-ce qu'il a nuit à quelque chose dans l'assise? Ou non? Non. Tu passes avec lui, Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, t'élève en degré. Fait dunya wa l'akhira. D'accord? Et ça montre aux gens que sahib sunna, yata'addab fi masajidillah. Ça montre aussi que celui qui est sur la sunna, il garde un bon comportement dans la mosquée d'Allah Azza wa Jalla, même avec celui qui lui veut du mal. Et ça te montre que lorsqu'ils te disent Ahbabi, Ahbabi, hein, mes bien-aimés, venons, on va faire le khuruj dans tel endroit, hein, où il était son Ahbabi, Ahbabi là, hein, mon bien-aimé, il l'a oublié, hein, t'as crié dans la mosquée, t'as presque agressé l'imam quand même, subhanallah. Pourquoi? Car il te corrige, car il veut le bien pour toi. Subhanallah, les gens ne savent pas où est leur intérêt. Hadan Allah wa iyyahu ila sawa'is sabil. Qu'Allah nous guide tous sur le bon chemin. التنبيه على نعمة الله على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلينا أو إلى العرب وكونه منهم. On voit dans ce verset, la grande faveur qu'Allah Azza wa Jal fit, c'est comme ça qu'on dit. Anta ma tadri anta. Kayf, c'est comme ça. Ça enregistre, attention. On essaye de faire des efforts dans la langue française et aussi dans la langue arabe malgré les nombreux manquements. Wabillahi at-tawfiq. Répète ma phrase, Ayoub. Même si tu n'es pas un français. Khalas, t'as pris trop de temps. Tafaddal. Anta kadhalik, anta. Allah, vous êtes plus fatigué que moi. Anta khatab talio. Tu fais la khutba aujourd'hui. Allah yhdik. Vous êtes jeune, vous êtes fort. Tafaddal Ibrahim. Al-Firansi. Wafaqak Allah. On tire de ce verset la grande faveur qu'Allah Azza wa Jal fit aux Arabes tout particulièrement et aux membres de cette communauté de manière générale lorsqu'il a envoyé un messager issu d'entre eux. D'accord ? Un messager issu d'entre eux. Vous voyez le bienfait dans ça ou pas ? Yani l'envoi d'un prophète, déjà c'est une ni'ma azim. Lorsqu'il y a un alim dans un endroit, c'est une ni'ma azim, sahih ? Les cœurs se remplissent de joie. On se déplace pour aller s'asseoir devant cette personne pour prendre de sa science, de son comportement. Sahih. Que dire alors d'un prophète? Que dire alors d'un prophète? C'est ni'ma azim. Il n'y a pas de ni'ma au-dessus de celle-ci. En plus de ça, il fait partie des vôtres. Il fait partie des vôtres. Vous savez très bien, hein, que lorsque Allah musta'an, quand l'imam ou quand le khatib ou quand le prêcheur ou quand le savant ou même quand la personnalité fait partie de tel pays, les membres de ce pays disent quoi? Ta'na hada min 'indina. Hein? Il fait partie des nôtres, lui. Peut-être qu'il ne le connaît même pas, il n'a rien à voir avec lui. Sahih? Hein? C'est un malien comme nous. Ou bien ils disent quoi? Plus encore. Ils disent quoi, Soumar? C'est mon fils, lui, c'est mon fils. En tout cas, chez nous, ils disent ça. C'est mon fils, lui, c'est mon fils. Taïb. Et Mada, si l'imam il est algérien, il vient de chez nous. Il vient de chez nous. Sahih? Ben, subhanallah, imagine que le prophète, il est carrément de ta tribu. Subhanallah, c'est un fadl azim. Tu vas, sans aucun doute, tu vas te réjouir. Hein? Akhoun al-Yamani, hein, Farhan? Notre frère yéménite, wafaqahullah, il est content d'entendre ça. Sahih. Ahlul Yaman yana lahum fada'il. Allafa fi hadha al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'a rahimahullah. Les yéménites ont des particularités. Et le prophète sallam a fait leurs éloges tout particulièrement. Wal ansar min aina asluhum. Hein? Min al-Yaman. Les ansar, leur base sont du Yémen. Hein? Et le prophète sallam a dit al-imanu Yaman. والحكمة يمانية والفقه. Hein? Le prophète sallam a dit la foi est yéménite, la sagesse aussi et la compréhension. Nous est venu les gens du Yémen, ceux qui ont les cœurs les plus doux et beaucoup d'éloges. Barakallahu fik akhana al-yamani. Donc c'est un grand bienfait. Allah nous dit dans le Coran لقد ماذا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لا أحسنت عمي لكن التي ذكرت يعني آية أخرى جزاك الله خيرا على إعانتك ما بارك الله فيك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est comme ça le verset? Naam. Allah vous a certainement fait une grande faveur lorsqu'il vous envoya un messager issu des vôtres afin de vous réciter ces versets, vous purifier, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. C'est une faveur immense, hein? C'est le plus grand bienfait, le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous ait envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une époque où la majeure partie du monde avait sombré dans le polythéisme. Le prophète sallam est venu nous appeler au tawhid et nous a appelé ce dans quoi il y a la vie. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ce prêche là, il y a dedans notre vie. Notre vie. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie, et on lui a donné une lumière, et qui marche, et on est bien guidé, et semblable à celui qui est dans les ténèbres, et qui n'arrive pas à en sortir. Il était mort par quoi? Par shirk, par le kufr, par l'égarement. Et on lui a redonné la vie par quoi? At-tawhid, al-ilm, wal-huda. Tout ça avec par quelle cause? L'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit considérer cette ni'ma. Ne te dis pas ana muslim alhamdulillah faqat. La. Hadhi al-umma khayr al-umam. Cette communauté, ya akhi, c'est la meilleure communauté. Tu es dans la communauté du meilleur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du meilleur livre révélé, al-Qur'an al-Azim. La dernière communauté, mais la première qui entrera au paradis. Une communauté où il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Une communauté qui a et de nombreux, encore de nombreuses mada, de nombreux mérites. Et bien là, ce sera une prochaine khutbah. Fadail hadil umma. Certaines personnes pensent que cette communauté est en retard, que cette communauté est comme ça, et que les autres ils ont, et que les autres ils ont. A'udhu billahi min al-khuzlan. Cette communauté, c'est la meilleure communauté. Il n'y a pas de comparaison possible. وَكَفَاكَ شَرَفًا كَفَاكَ شَرَفًا أَنَّكَ تُحْشَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Te suffit comme noblesse le fait de savoir que يَوْمَ الْقِيَامَةِ tu seras ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car chaque personne va suivre son prophète. Toi, tu seras derrière qui? بِإِذْنِلَّهِ le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Parmi les fawaïd qu'on tire de ce verset, sharafun nabi sallallahu alayhi wa sallam, lian Allah madahahu bihada. On voit la noblesse du prophète sallam dans sa lignée, le fait que c'est un noble des nobles chez les Arabes. Il est aussi de la maison la plus noble. Yani mutlaqan, il n'y a pas plus noble que la lignée. C'est comme ça qu'on dit? Ou la généalogie? La lignée, c'est bon? Que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes remontent à Isha, excepté le prophète Mohammed sallam qui lui remonte à Ismaïl. D'accord? Bayanu ra'fati nabi sallallahu alayhi wa sallam rahmati bil mu'minin. On tire de ce verset la grande pitié qu'avait le prophète sallam et la miséricorde envers les croyants. Et donc la dureté envers les autres. نكتفي بهذا اليوم. On s'arrête pour cela aujourd'hui. Il reste deux chapitres. Allah Azza wa Jalla nous facilite un autre moment pour finir ce chapitre et ce livre, inshallah ta'ala. Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah, alhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat, au tiers du livre. Wasalna ila thuluthi al-kitab. Nous sommes arrivés au tiers du livre. وكل من صار على الضرب وصل اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. Soyez patient, endurant et craignez Allah Azza wa Jal, et c'est d'Allah que provient la réussite et l'aide. Celui à qui Allah Azza wa Jal facilite l'étude de ce livre, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal a voulu son bien. Car le prophète sallam dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din ». Celui à qui Allah veut du bien lui fait comprendre sa religion. Et est-ce qu'il y a une chose plus importante que le tawhid? Non. Si Allah Azza wa Jal t'a choisi, toi, pour être assis dans une mosquée, et avoir entre les mains Kitab al-Tawhid, le meilleur livre qui a été écrit par un homme sur al-Tawhid, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a voulu ton bien, Inch'Allah. Combien n'ont pas eu l'islam et toi tu as eu l'islam? Combien ont eu l'islam mais n'ont pas la sunna et toi tu as eu l'islam et la sunna? Combien ont eu l'islam, la sunna et l'amour de l'étude de la science? Et combien ont eu l'islam, la sunna mais ne vont pas dans les assises de science? En plus de cela, dans une mosquée, parmi les demeures d'Allah Azza wa Jalla, l'endroit qu'Allah aime le plus, combien de bienfaits sur toi, ya Abdallah? Wa anti ya Amatallah. Ça veut dire quoi, ya Amatallah? Quand tu dis Abdallah, ça veut dire serviteur d'Allah. Le féminin, c'est. Le féminin de Abd, c'est Amah. Ça veut dire servante d'Allah. Barakallahu fikum. Donc, ça, c'est des bienfaits. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. C'est des bienfaits que de temps à autre, on doit se rappeler. Hein? De sorte à ne pas venir mada. De manière mécanique au cours. On a l'habitude, c'est un bon moment, on est au masjid, on est entre frères. Non. Et après, ton but est bien plus élevé que ça. Quand on vient faire talib ilm, c'est pourquoi? On veut le Jannah, pas moins que cela. Tu sors de chez toi avec tes affaires, t'as révisé, t'as appris, tu reviens le lendemain en cours, ton but c'est quoi le Jannah? El Jannah, pas moins que cela. Quand tu viens en douloureux, tu dois vouloir le Jannah. Tu dois vouloir le pardon pour tous tes péchés, rencontrer Allah Azza wa Jal, avoir sa satisfaction. C'est pour ça qu'on vient. On a Allah subhanahu wa ta'ala l'ikhlas wa sidqa ma'a. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité et la véracité. J'avais plein de choses à vous dire, mais la fatigue mada ne me permet pas. Je voulais vous citer certaines anecdotes de Cheikh Moubila rahimahullah ta'ala. Il y a un grand fadl sur ma personne, donc sur vous, car c'est la cause. Mada, c'est une des causes que j'ai pu étudier. Et Mada, mes enseignants, bihamdillah azza wa jal, sont ses élèves. Amen. Parmi les anecdotes sur Moubil, c'est que lorsqu'il est revenu au Yémen, alors qu'il était en Arabie, à Mecca, avant cela, yani, il a connu le tawhid par la cause de Fath al-Majid, le charh de Kitab al-Tawhid. Et lorsqu'il disait tout ce que je lisais se collait à mon esprit. Dès que je lisais, cela se collait à mon esprit. Vous savez pourquoi? Il disait que dans mon village, il y avait tout le contraire. Yani, ici, on me disait que ça faisait partie du shirk, et moi, je voyais que chez moi, il y avait ça. Alors je retenais, j'ai étudié Fath al-Majid. Ensuite, il a étudié auprès des savants. Il a donné l'importance à Riyad Salihin, Kitab al-Tawhid et beaucoup d'autres cours. Il a cité aux assises de Cheikh Mohamed al-Mishnqiti et beaucoup d'autres. Tayyib Shahab al-Mohsen al-Abbad et d'autres à Mecca ibn Humayd et d'autres. Quand il est rentré au Yémen, il a dit Asabatni wahshatun azima wa huzn. Il a dit j'ai trouvé une grande solitude quand je me suis retrouvé au Yémen. Pourquoi? Parce qu'en Arabie, il y avait les savants, il y avait ça. D'accord? Et lorsque je suis retourné au Yémen, il n'y avait pas de savants, il n'y avait pas d'étudiants. D'accord? Et il a commencé sa da'wah. Il y avait 2-3 personnes seulement devant lui. Puis, lorsqu'il a commencé à mettre en garde contre le shirk, une partie s'est mise contre lui. Et un a dit, il faut assassiner Muqbil. Pourquoi? Ils ont ramené un dalil, attention. Ahlul Batil, lorsqu'il parle, il parle avec un dalil. Mais Iwajus Sillal n'est pas bon. Hein? Si le Batil, il était mahab, si c'était un mal pur, personne n'aurait suivi. Hein? Mais ils embellissent leur mal. Vous savez quelle est la preuve? Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, faites plus que vous avez compris. D'accord? Alors que lui, il venait avec la vraie religion. C'est eux qui se sont égarés. Puis, il est parti à Sa'ada, à côté du village, où il était, et il a fait da'wah. Et ils l'ont agressé, et ils l'ont insulté, et ils lui ont fait du mal, mais des gens l'ont protégé. D'accord ? Il était triste parce qu'ils n'acceptaient pas son prêche. Et il demande à Allah Azza wa Jal de l'aider. Il demande à Allah Azza wa Jal de l'aider. Et il continuait da'wah, il faisait des douces. Ensuite, il a la ferme intention de construire un markaz, un centre pour étudier. Mais il n'y avait pas grand chose, il a mis toutes ses économies. Et les gens de sa tribu ne l'ont pas trop secouru dans un premier temps, mais ils lui ont construit une bibliothèque, jazakallahu khair. D'accord ? Par la suite, ils l'ont secouru. Par la suite, ils l'ont secouru, et il leur a fait des recommandations, et ils avaient un excellent comportement avec nous, les étrangers, parce que c'est la recommandation chez Moukoubel. Il a recommandé aux gens du peuple d'être bienfaisants envers les étrangers, car les étrangers quittent leur famille, leur mère, leur famille, leur terre, et ils souffrent, ils ont des maladies, et ils souffrent pour l'ilm. Alors soyez bienfaisants envers. Subhanallah. Et nous, des fois, quand on parle, l'ilm vient, on se comporte mal avec lui. Allah musta'an. Et il a commencé avec ses mains à construire, avec les gens. Et certaines personnes se moquaient de lui. Imaginez-nous, par exemple, avec 10 000 euros, on veut construire un bâtiment. Les gens vont se moquer de nous, comme ils se sont moqués de Noé lorsqu'il a construit l'arche. Et comme s'ils se sont moqués d'Ibn Manzoor quand il a écrit les Sanan al-Arab. Hein? Taïb. Il a continué son prêche, puis les gens sont venus de partout, de tout le Yémen. Puis, du Maroc, d'Algérie, des pays du Golfe, d'Indonésie, et du monde entier, de France, d'Angleterre, ils sont venus de partout alors qu'il n'y avait rien là-bas. C'est un village où il n'y a rien. Quand je vous dis rien, c'est pas façon de parler. Moi, lorsque je suis arrivé là-bas, dites-vous qu'il n'y avait pas l'eau potable dans le Marquez. Vous imaginez? Par la suite, ils ont fait arriver l'eau. Il n'y avait pas l'électricité. Il y a un moteur, électricité. Tu payes, tu peux avoir l'électricité par exemple. Si mes souvenirs sont bons, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, 1h30 le soir. Et tu as le droit de brancher qu'une chose en même temps. D'accord ? Tu charges ton téléphone ou bien tu charges ta lampe. Tu ne peux pas charger deux choses en même temps parce que ça coûte cher. Ça a le moteur. D'accord ? Allah musta'an. La nourriture qu'il donnait aux étudiants, c'était des. Comment on appelle ça ? Fasoulia, comment on dit en français ? Des haricots rouges. Des haricots rouges. Tous les soirs de l'année. Ça, Abdullah. En tant que Marocain, t'as fait une tête. Taïb. Tous les soirs de l'année, les frères. Tous les soirs de l'année, excepté pendant la Ramadan. D'accord. Quand je vous dis des haricots rouges, ça veut dire sans viande. Hein. Sans viande avec du pain. Et tous les midis, du riz. Sans sauce. Et sans viande. Et eux patientaient dans ça. Moi, je ne mangeais pas ça. Allah Azza wa Jalla m'a facilité un minimum de moyens. Des frères d'ici m'ont aidé. Je pouvais acheter. Certains frères avec nous mangeaient un peu avec nous et ils mangeaient après au mesjid. Certains mangeaient au mesjid, ils avaient un peu d'argent. Pourquoi ? Pour économiser leur argent pour acheter des livres. Tous les soirs de l'année, les frères. Tous les soirs de l'année. Et on vivait, Allah Alem, avec, pour ma part, je ne suis pas du tout dépensé, peut-être avec 80 euros par mois. Pour nous, c'était énorme. On n'achetait pas de jus d'orange, ça faisait 1 euro, c'est 250 riyals, 250 riyals, c'est un plat avec du poulet. Donc tu réfléchissais, tu pouvais pas acheter une bouteille de jus pour dans ta tête, c'est un plat de riz avec une cuisse de poulet. Fahim. Sauf quand on était malade, donc, pour avoir le moral, on achetait. Ça, c'est à mon époque. À son époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Hein? Par la suite, les gens commençaient à dépenser pour la da'wah. Ils ont eu quelques voitures, quelques bus, mais il faut voir les bus et les voitures. Souvent en panne, il fallait pousser pour démarrer, et ainsi de suite. Et des étrangers venaient de partout et n'avaient rien. Et lorsque leur provision se finissait, ils venaient voir le shir et ils lui disaient la difficulté qu'ils subissaient. Ses élèves disent, un de ses élèves qui est resté 10 ans avec lui raconte, il dit, quand le shir sortait vers nous, il était comme le prophète sallam, toujours avec le sourire. Et il venait vers nous. Cheikh Moubil, c'était quelqu'un de. Il n'était pas trop grand, il n'avait pas beaucoup de barbe. D'accord ? Il avait la peau blanche troublée de rouge. Et on le surnommait le grand petit homme. Il venait à eux avec un gros sourire. Il dit, c'est comme s'il avait énormément de richesses à nous donner. Le comportement qu'il avait, on dirait qu'il était riche et qu'il allait régler tous nos problèmes. En vrai, il n'avait rien. Et il venait Et on parlait avec lui, on repartait comme si on était les plus riches sur la dunya. Regarde l'alim, subhanallah, lamma yansahouk. Quand il te conseille, quand tu t'assois avec lui, même t'as un problème, même t'as un décès dans ta famille, même t'as des soucis, t'as faim, tu repars et tu crois que c'est toi le meilleur fils de dunya. Tu parles des gens qui ont de l'argent, tu dis masakin, miskin. Hein? Comme si c'est toi, t'es plus riche qu'eux. Il dit on était comme ça, on s'asseyait avec nous. Et il plaisantait de temps à autre avec nous. Et toutes ces plaisanteries avaient une faïda dedans. Hein? Il disait dans l'assise, qui dans l'assise a le plus d'enfants? Les Yéménites, des fois, ils ont 20 enfants, ils ont beaucoup d'enfants, les Yéménites. D'accord? Et personne ne répondait. Il disait, c'est moi qui ai le plus d'enfants, parce que vous tous, vous êtes mes bien-aimés, mes enfants. Hein? Par moment, il posait une question sur un hadith. Et ou bien, lisant un hadith, il disait, Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. D'accord? Il avait ce ton de voix, ce timbre de voix. Alors les élèves disaient, là, Cheikh, Rawahu Abu Daoud. Ce hadith-là, c'est Abu Daoud qui l'a. Il disait, là, Akullak Rawahu Muslim. Les élèves disaient, non, Yachir, c'est Abu Daoud, il est dans le recueil du livre d'Abu Daoud. Il disait, là, Akullak Rawahu Muslimun min al-Muslimin. Hein? C'est un musulman parmi les musulmans. Wahakada. Taïb. Et Amada, il était proche de ses élèves. Et tout le monde l'aimait. Il était doux avec les gens de la Sunna. Et il supportait les nuisances, même des jeunes de gens de la Sunna. Et il était dur avec les gens de la Bida. Comme c'était le chemin des plus prédécesseurs. Des fois, des gens avaient faim. Les étudiants avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Les Libyens, par exemple, ils étaient persécutés dans leur pays. Quand ils venaient, ils ne pouvaient plus rentrer. Personnellement, moi, mon enseignant dans le Tawhid, celui que j'ai étudié le Tawhid, lorsque j'étais là-bas, il avait environ 12 ans. Donc je suis revenu, Allahu alam, peut-être par exemple il y a 5 ans, tu calcules. Il vient juste de rentrer. Il restait près de 20 ans. Imaginez, pendant près de 20 ans, il n'a pas vu sa mère, subhanallah, sa famille. Il est resté dans l'ilm, dans l'enseignement. Jazahullahu khayran. Hein? Et ils disent, on allait le voir et on avait faim. Et il sortait des fois ce qu'il y avait chez lui. Et il ordonnait aux gens, aux étudiants de l'endroit, il disait que tout visiteur qui vient, ben vous devez l'honorer et ensuite vous me ramenez ce qui signifierait pour nous la facture et c'est moi qui donne. Même si vous n'avez rien, c'est pas grave, c'est moi qui vais payer. Mais il n'y a pas une personne qui passe ici sans être honorée, indala. Vous imaginez? Alors qu'il n'avait rien. Il n'avait rien et il ne demandait rien. Il a dit, alhamdulillah, jamais je ne me suis tenu debout devant une créature et je lui ai demandé quelque chose. Jamais. Jamais. Les gens venaient le voir et une fois, il a sorti, un de ses amis le raconte, il dit, il a sorti du raisin, un peu de pain, et il a mis sur une nappe et il a dit, venez, les frères, venez, on mange. Ni'matun azima. Allah Azza wa Jal nous a comblés de ses bienfaits. Du raisin, du pain et du miel. Alhamdulillah. Et il disait ça aux gens. Subhanallah. Subhanallah. L'un d'entre nous rentre chez lui. Son épouse a faim à manger. Il y a de la viande, il y a de tout. Et il dit, il n'y a rien à manger. Et il va manger dehors. Et il se met en colère contre elle. Hein? Regardez les ulama de Ahl Sunnah. Un homme des pays du Golfe, un émir, Maza, aimait beaucoup Shir Mourbi. Et il envoya un jour $5,000 pour donner à Shir Mourbi. L'émissaire a donné l'argent. Il est parti chez lui, il a donné les $5,000. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit $5,000 de la part d'un tel kada kada. Et il lui a dit, garde-les et tire-en profit. Vous savez, c'est quoi $5,000 pour un Yéménite? Au jour d'aujourd'hui, c'est énorme. Pour nous, là-bas, ça aurait été énorme. Hein? Alors, à l'époque, c'est une grande, grande richesse. Shir Mourbi, il a dit quoi? Garde cet argent et tire-en profit pour tes biens personnels. Vous savez ce qu'a fait l'élève? Il a dit, je les ai jetés chez lui et je me suis sauvé. Hein? Je les ai jetés chez lui et je me sauve. Parce que je savais que, pourquoi? Parce que je savais qu'il n'allait jamais accepter. Vous savez ce qu'a fait Shemroubi, rahimallah ta'ala, deux jours après? Il a acheté plein de bêtes, ils les ont égorgés, il a donné à manger aux tolèbes et les tolèbes étaient super contents. Hada huwa hada l'imam, rahimallah ta'ala. Ça, c'est un avant-goût avant la conférence sur que je prépare, inshallah ta'ala, sur la biographie de ce shir. Car ceux qui ont été la cause de notre enseignement, ils ont un haq sur nous. Ils ont un haq sur nous. Et ça évite aux élèves d'exagérer sur les pauvres personnes que nous sommes. Hein? Quand on entend parler de ceux qui nous ont enseigné ou de ceux qui, de qui ils ont pris, après on sait que on peut dire qad Allah ma sha'a fa'al. Hein? Ou bien alhamdulillah ala kulli hal. D'accord, on est dans une épreuve. Que vous soyez debout, assis devant moi, sachez que vous êtes dans un ibtila. C'est une épreuve. Hein? C'est une épreuve qu'il n'y ait pas quelqu'un de meilleur, ou plutôt un savant assis sur cette chaise, et que nous tous soyons assis devant lui. Ça, c'est la ni'ma. Amma ça, ce qu'on vit nous là, sachez que c'est un ibtila, c'est une épreuve. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Cheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, éduquer ses élèves comme ses enfants. Il éduquait ses élèves comme ses enfants. On est parti voir le shir, on lui a dit, il y a un tel, il fait beaucoup de fitna. Il parle sur toi et il opprime ses frères. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, en ce qui me concerne moi, s'il parle sur, il a parlé sur moi, c'est pas grave. Mais qu'il prenne garde à opprimer talabat al-ilm. Yani, moi c'est pas grave, mais tu touches pas un étudiant. Moi c'est pas grave, mon honneur c'est rien. Mais les étudiants, on ne les touche pas. Et par moments, il éduquait ses élèves avec subtilité. Il venait en cours, et dans son cours, ils disent, tu ne pouvais somnoler, impossible. Tellement que le cours était magnifique. Tantôt, il lisait le hadith, il l'expliquait. Tantôt, il faisait réciter du Coran ou bien des poèmes. Tantôt, il posait une question. Tantôt dans le hadith, tantôt dans le mustalah, tantôt dans le nahw. Wahakada. L'assise était vivante. Les gens étaient complètement pris par le cours. Et ils apprenaient beaucoup, alors qu'ils n'avaient rien dans leur poche. Ils étaient malades, et quand tu es malade au Yémen, akhi, c'est pas comme quand tu es malade en France, wallah. Crois-moi, quand tu es malade au Yémen, c'est pas comme quand tu es malade en France. Hein? Parfois, lorsque tu étais malade, certains ont écrit leur wasi, leur recommandation. Peut-être ils pensaient qu'ils allaient mourir. Hein? Certains sont décédés de maladie. Taïeb, quand tu es malade, vraiment, c'est très difficile. Il y avait la malaria, il y avait beaucoup de... Yani, la première maison dans le frère, il y a un chez qui j'ai été accueilli, le frère lui s'est fait piquer par un scorpion. On était ensemble dans la pièce. Donc c'est une épreuve. D'accord? Allah Azza wa Jalla nous a beaucoup facilité. Moi je vous parle d'eux, je ne vous parle pas de moi. Al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, dans l'assise, a posé une question à cet homme qui faisait des fitnes. Et il lui a dit, fais l'i'rab de cette parole. Il lui a demandé l'étude grammaticale d'une parole qui signifierait en français. Beaucoup de gens se plaignent de moi et peu sont ceux qui font mes éloges. Fais l'i'rab de cette parole. Vous avez compris la subtilité? Cet homme-là faisait beaucoup de mal. Alors Shir lui a posé cette question. Explique-moi cette phrase. Il lui a dit en arabe, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes se plaignent de moi et peu sont ceux qui font mes éloges. Il éduquait par moments Mada, ses élèves comme ça, indirectement. Taïb. Et il aimait énormément ceux qui apprenaient le Coran et apprenaient la Sunna. Et par moments, il passait, il y avait des assises de science, il s'arrêtait et un mada restait avec les étudiants. C'est pas étonnant de le voir, c'est pas étonnant de le voir passer dans une assise avec des enfants qui apprennent le Coran et se sortir avec eux comme un élève. Hein? Subhanallah. Et tu trouves aujourd'hui des petits étudiants dire, yani moi, yani y a qui en France, moi je peux pas m'asseoir, ou kada, des paroles comme ça. Al-sami'nahu. D'accord? Pire que ça, ils vont à Riyad, ils disent, ah, j'ai rien trouvé, j'ai rien trouvé. Masha'Allah, masha'Allah. Il n'y a que toi, il ne reste que toi. Hein? Faut pas que tu meurs, surtout pas toi. Qatalak Allah. Ensuite, Al-Shir, rahimahullahu ta'ala, a eu énormément d'élèves, entre 3000 et 4000. Vous vous souvenez du début? Il est venu, ils lui ont fait du mal, et c'était 3-4. Et ensuite, il y avait des cours dans plein de matières et ses élèves ont commencé à enseigner. Et lorsqu'il entendait quelqu'un enseigner, il se réjouissait. Il ne faisait pas comme certains. Essayer de trouver toutes ses fautes, même si on n'en voit pas en apparence. Non, il est là. Si la personne sahib sunna et qu'il enseigne et qu'il sait ce qu'il enseigne, alhamdulillah, tu dois être content. Par contre, ceux qui enseignent et égarent les gens ou sont sur la bid'a, ou n'ont pas le niveau d'enseigner ce qu'ils enseignent, là, na'am, il faut aller voir cette personne et lui dire de ne pas entrer dans ce domaine. Là, il faut avoir le juste milieu. Il félicitait ses élèves. Il était content quand quelqu'un ouvrait un cours dans l'arabe ou telle chose ou telle chose ou telle chose. D'accord? Donc il encourageait énormément ses élèves. Il encourageait énormément ses élèves. Et un jour, celui qui raconte l'histoire dit que son épouse est tombée malade. Donc sa famille sont venus les chercher. Son père ainsi. Donc il voyageait d'un pays à un autre pour venir récupérer son épouse parce qu'elle était, il en est pas mal malade ou gravement malade, Allah alam. Shir, quand il a entendu ça, ça l'a attristé énormément. L'épouse de son élève bien-aimé est malade. Son père était là ou des gens de sa famille. Et il lui a dit, Subhanallah, on ne t'a pas donné ton droit. Tu ramènes ton beau-père et c'est moi qui m'occupe de lui et c'est moi et c'est moi et c'est moi. Et il était bien avec lui. Et il l'a aidé dans toutes ses affaires. Après, certains de ses élèves lui demandaient conseil. Est-ce qu'on repart? J'ai tel problème. Il leur disait quoi? Istakhirillah. Demande conseil à Allah Azza wa Jal. Fais salat istikhara. Ya Shir, j'ai tel problème. Udu' Allah. Toujours. Son conseil, c'était quoi? Place ta confiance en Allah. Lève tes mains chez Allah. Toujours. Ses conseils, c'était quoi? Alli qalbak billah. Rattache ton cœur à Allah. Allah, c'est qadir lakal khayr. Espère tout le bien d'Allah. Et il disait à chaque fois qu'on lui demandait conseil, Allah Azza wa Jal nous facilitait nos affaires. Donc, ça, c'est quelques passages de la vie de Shir Mukhbil. Et il n'aimait pas qu'on s'attache au diplôme. Il voulait l'ilm pour l'ilm, avec ikhlas pour l'agrément d'Allah, Jannah. Il disait, ne donnez pas d'importance au diplôme. Pourquoi? Parce que beaucoup étudient juste pour le diplôme, après pour avoir le travail. Ça, c'est un khalal dans l'ikhlas, dans talib ilm. Talib ilm, c'est une ibad. Tu dois mettre l'aniya, c'est l'ikhlas. Ensuite, après, tu peux vouloir avoir tel travail. Mais pas en IA de base. D'accord? Et une fois, il a dit, Maza, il met en garde contre le fait d'avoir ce comportement. Un jour, il a dit, Ya ikhwani, hadihi shahadat, boulou alayha. Oh mes frères, vous voyez ces diplômes, urinez dessus. C'est-à-dire, on les rabaisse au maximum. Après, il y a un frère qui a dit, Ya shir, fi hasmullah. Il lui a dit, Ya shir, il y a le nom d'Allah dessus. Il a dit, Astaghfirullah. Alors non, il ne faut pas faire cela. Immédiatement, dès que tu lui faisais un rappel, s'il voyait que ça, dans sa parole il y avait un mal, il se corrigeait. Et aussi, il patientait lorsque ses élèves pouvaient avoir pas le meilleur comportement avec lui. Quand tu es un élève, tu t'éduques. Et l'enseignant doit patienter sur toi, il doit t'éduquer. Des fois, l'éducation, c'est d'être doux avec lui. Des fois, c'est d'être dur. Des fois, c'est de rien dire, de laisser passer. Des fois, c'est de le crier dessus. Des fois, c'est de l'enlever de l'assise. Wahakada. Chaque personne selon ce qui Mada lui convient et l'éduque. Ne voyez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir 5 versets, a été serré d'une étreinte où il a cru mourir? Jibril alayhi sallam a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a serré au point son souffle s'est arrêté, il a failli mourir. C'est vrai ou pas? Est-ce que nous on est meilleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ça c'est pour lui donner 5 versets seulement. 5 versets, pas le Coran, 5 versets. Hein? Donc comment est-ce que nous on pourrait dire oui mais il m'a dit ça, oui mais il m'a fait ça, là, isbir. Isbir, c'est pour ton bien, c'est pour t'éduquer. Maintenant, s'il fait un khata, le khata inda. Anta, isbir. Donc, certaines personnes lui manquaient de respect par moment, volontairement ou involontairement. Un jour, Shir a dit, dites-moi toutes mes fautes. Il est venu en cours et il a dit, les frères, dites-moi toutes mes fautes. Donc, tout cours confondu, dites-moi mes fautes. Regardez le tawadu du Shir, subhanallah. Aujourd'hui, tu lui la faute de quelqu'un, il déclare la guerre. Hein? Sahir, ou il devire. Sahir. Et ça, c'est pas nouveau. Ils ont enlevé le prophète sallam de Mecca alors qu'il est né là-bas. Tayyib, Shir Mukhbil lui-même a été enlevé de la Mecque et s'est retrouvé là-bas, au Yémen. Tayyib, un jeune homme dans l'assise a dit, Ya Shir, anta da'iman taqul na'am, na'am, na'am, na'am. Shir Mukhbil disait toujours ça. Na'am, na'am, na'am, na'am. Donc l'élève a dit, eh Shir, toi toujours tu dis ça. Tu dis toujours na'am, na'am. Alors Shir a dit, ma yador, c'est mon style. Hein, c'est mon style. Il n'y a pas de mal. D'accord? Et les élèves étaient énormément en colère contre ce jeune homme-là. Comment est-ce qu'il ose s'adresser au Shir de la sorte? D'accord? Parmi ce que je me souviens, c'est qu'il s'habillait de la manière la plus modeste qui soit. Il sortait habillé d'une façon, il disait à... Déjà, celui qui raconte l'histoire, il dit, la première fois que je suis venu, j'ai vu Shir Mukhbil dehors devant la mosquée en train de prier dans la terre. Faire rak'at al-duha. Prier adi dehors. D'accord? Complètement adi. Sur la terre, comme ça, de rak'at. Nous, il nous faut le firash, encore, si le firash n'est pas propre, on se plaint. Et... Non. Pour information, si vous ne savez pas, là-bas, on prie avec nos chaussures, c'est la sunna. Dans le mesjid. Tu rentres, tu tapes tes chaussures, tu regardes, s'il n'y a pas d'important, ensuite on prie avec nos chaussures. C'est la sunna. D'accord ? Ma'adha barakallahu fikum. Shir sortait, par moments, il avait des vêtements très modestes. Et il disait, ya ikhwani, que personne ne me suive dans ma tenue. Personne doit me prendre pour exemple dans ma tenue. Moi, yani, il a dit une expression, j'ai pas bien compris, mais je porte comme porte l'âne. Celui qui raconte, explique et dit, ça veut dire qu'il prend ce qu'il trouve. Ce qu'il trouve avant de sortir, il le met et sort. Il dit, son kamis, on n'arrivait pas à lui donner de couleur. Ça n'existait pas, cette couleur dans le dictionnaire, elle n'existait pas. Hein? Il dit, tellement que le kamis était vieux, qu'il n'avait plus une couleur, yani il avait dépassé sa date de péremption, c'est comme ça qu'on dit, et que la couleur n'existait plus dans le dictionnaire. Il dit, il avait des komsan comme ça. Hein? Komsan, c'est le pluriel de kamis, ou bien akimisa, tu dis. Il dit, en ce qui concerne ses chaussures, elles étaient, elles étaient très anciennes. D'accord, des chaussures que tu ne pourrais pas mettre, toi. Et lui, il les mettait. Et aucun n'a fait sa'ad. Il disait, il était dans une sa'ad azim. Quand il venait en cours, il était heureux, il était bien, alors qu'il était très malade. Hein? Il est décédé suite d'une maladie, rahimahullah. Et il venait en cours, il disait, nous étions mal. Et quand il nous parlait, on était bien. Et il arriva à nous faire croire que nous étions les hommes les plus riches sur la terre. Alors qu'on n'avait rien, on avait faim. Mais quand on partait, on disait, subhanallah. Il a réussi à nous faire croire qu'on était les plus riches. Voyez, donc comme on dit, les anciens, masakinu ahli dunya, yani les pauvres les plus à plaindre dans ce bas monde, c'est qui? Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ce sont ceux qui ont quitté ce bas monde sans avoir goûté le plus grand délice qui s'y trouvait. C'est quoi? La connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah. Les vrais pauvres, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas d'argent. Les vrais pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas connu Allah, n'ont pas connu le tawhid, le bonheur des assises de science. Voyez. Non, j'avais d'autres blagues. On va les garder pour la conférence. C'est pas les blagues à la un tel ou un tel. C'est des blagues pour revivifier l'assise et pour exclure la lassitude. Et il dit même que dans ces blagues, il y avait Mada des Fawa'it. D'accord, il y avait Mada des Fawa'it. On va s'arrêter avec une d'entre elles, vu qu'on est dans Kitab al-Tawhid. Mada, il a dit le hadith, il a posé une question concernant le chapitre qu'on a fait. Il y a de cela deux chapitres. Ma hukmu. As-salatu 'inda al-qubur. Quel est le jugement de prier auprès des tombes? Après, yani, qu'est-ce que vous dites vous? Quel est le jugement de prier auprès des tombes? Muharram, c'est haram. Cheikh, il a dit là, ana aqul sunnah. Il a dit non, c'est une sunnah. Ils ont dit ya cheikh. Ils sont étonnés, ils ont dit cheikh. Qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam la'natullah 'ala yahud wa nasara ittakhadhu quburan bi'ayyi masajid. Ana aqul sunnah. Il a dit, je vous dis que c'est une sunnah. Ya shir. Alors ils se sont emportés. Ils ont dit ya shir. Ils ont dit les hadith. Sunnatun min sunan il yahudi wa nasara. Après, il a dit, c'est une sunnah parmi les sunan, les traditions des gens du livre. Hein? Ah, kaza. Yani, c'est ainsi qu'il mettait à l'aise ses élèves pour pas qu'il y ait de distance entre lui et ses élèves, ni de lassitude dans le cours. Voici quelques passages de la vie de ce grand imam, celui qui a ramené la da'wah fi Yémen. Il y a beaucoup après de ses élèves qui ont fait da'wah, bihamdillahi azza wa jal. Par la grâce d'Allah, on a pu prendre un peu de leur science. Qu'Allah azza wa jal nous facilite cela. Wa jazakumullahu khairan.